Quelle peur d'amour pourrait me sauver, donner son pardon. Elles me comprendront, elles me béniront. Cette part d'amour qu'elles me donneront, la prendrai pour moi rien que pour moi, me donnera la force d'éteindre la flamme et doucement la bête, lentement s'en ira Je ne suis pas le monstre n'est plus en moi. Une part d'amour l'a tué à tout jamais, a repu la bête, l'a empoisonné, j'avais la solution.